Devolver. Ouais. Oh. Ils ont parce que c'est eux autres qui arrivaient après, puis il y avait tu pouvais acheter un Bitcoin à 100 ouais. 150. À 150, ils changeaient de valeur. Parce que j'ai checké tantôt justement, là il était rendu à combien? Il était 100 okay. C'était un loot box coin, je pense. Ouais, loot box coin. Fait par Limited Run Games, en ouais. plus, ce qui est quand même cool. Puis ils écrivent dans la description que ça sert absolument à rien, qu'on est vraiment imbécile d'acheter ça, que ça nous donnera rien. Moi, je le vois, je vois 5 à 1, là. De moi, juste là. Ouais, ouais. Mon présentoir, genre. I did it. Ah, cette présentation-là. Les autres... Ouais, c'est vrai, toi, t'es pas convaincu. Moi, je suis comme hein, le gars qui est pas fan de Devolver. Ben, Eric non plus. Ouais, tantôt, ah, moi, j'adore ça. Tantôt, je parlais les Confession Bear là, que je voulais qu'on fasse pour chacun. Ouais. Finalement, on a juste fait un pour... je n'ai juste fait un pour Bruno. Mais j'étais là, j'ai regardé les gars, je dis désolé, mais je trouve que c'est l'autodérision. C'est trop troisième degré. Puis, ouais. Puis ça pousse trop. Mais pendant ce temps-là, les jeux sont hot. Mais pourtant, c'est parce que c'est parce qu'ils ont presque anglais. Ils ont presque rien à présenter, fait que pour moi c'est du divertissement. Ouais. Puis c'est de savoir comment qu'ils vont le faire. Culture de c'est ouais, ça c'est mais trop non, comme c'est une présentation y a comme un show qui fait ça. Non, ils ont leur brand. Mais ouais. Ils ont fait un peu. Pas, ouais, ils l'ont fait à leur façon. Pas à fond, tu sais d'avoir quelqu'un qui se fait mitrailler à la fin de la conférence pendant que justement il y a l'autre qui hey, a bien montré que c'était possible que montre qu'il montre qu'il y a bien Robocop ouais. à la fin tu sais non mais tu sais tout ça je trouve ça drôle la seule affaire c'est que moi comme tu sais comment je vois ça des fois c'est que je le vois comme l'espèce de petit gars baveux dans le fond de la classe là, oui. pendant le cours de maths qui fait juste comme dérailler le cours tout le temps puis qui dit des niaiseries puis fuck les maths etc. Mais tu sais dans le fond de lui-même genre il fait ça parce qu'il est vraiment stressé parce puis quand il veut vraiment raison, réussir c'est, pareil, ouais. c'est ça il est vraiment stressé puis il est angoissé par la performance parce que tu sais c'est comme c'est correct que tu te moques de l'E3 mais en même temps tu fais quand même fais un showcase pour faire ça, de là, ta ouais. pub pour tes jeux pour les vendre aussi. T'sais. Ouais, mais ça représente le brand. Tu sais, le brand ça. De Devolver, ils ont c'est toujours ça. Des jeux de t'sais, même. Quand là. Tu joues à leur jeu, c'est totalement ça. Tu sais, c'est trash. Mais Scum! All Scum way, avait tellement de l'air, le fun. Leur... Ouais. Ça, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai resté surpris. J'ai fait comme, fuck, c'est Devolver, ça. Ouais. Enfin, ouais. Je suis ce jeu-là sur Steam depuis longtemps. Puis, pas sur Steam, sur Facebook, qu'est-ce que je dis là? Mais j'avais vraiment hâte de ouais. jouer. Je vois ça popper, c'est comme, je suis comme, calvaire, c'est bien cool ça. Mais je pense que c'est ça, c'est pour un public niche. Tu sais, comme moi, ils ont montré My Friend Pedro. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas que moi, j'ai hâte en sacrament de jouer à ça. T'sais, c'est comme Deadpool en skate qui tire un peu partout. Ça a l'air free, contrôle weird un ouais, peu. Ouais, contrôle weird, mal fait. Tu sais, puis c'est un peu ça aussi, Devolver, parce que quand tu regardes, ils ressortent le premier jeu de From Software, tu sais, ouais. qui est un espèce ben de oui, jeu de marde de mec. Le président est le vice-président des États-Unis. C'est Metal Wolf Chaos. Ouais. Mais ça, c'est un portage d'un vieux jeu d'Xbox qui était publié par From Software seulement au Japon. Puis là, il expliquait, tu sais, là, on va être vraiment respectueux envers le jeu, on change pas ouais. grand-chose, c'est un port, c'est une affaire. Fait que Devolver, c'était quand même nice, tu sais. Il y avait moins de stock cette année, ouais. je trouve, que mais l'année passée. Il y avait trois jeux. C'est ça, il y trois avait jeux. L'année passée, aussi. C'était ça aussi. Il y avait trois il y avait jeux. Juste trois jeux. Ça passait pas les jeux. Il y avait trois l'air. Jeux. OK. Mais c'est ça. C'est comme, justement, ils ont absolument rien à montrer. Faut comme. Beaucoup okay, de filler. On se fait du fun. Puis on fait une présentation. Puis c'est juste les speech que la fille fait. Je trouve qu'il y a plein de Christy de bons bouts dedans. C'est des affaires vraiment drôles, tu sais. Fait que c'est plus une question de, tu sais, c'est comme... Moi, ça me plaît, c'est comme un candy, ça sert à rien. C'est un peu hater sur les bars, c'est un peu comme, tu sais, le monde qui s'ostine sur Facebook. C'est comme, ouais. j'ai pas vraiment besoin de ça, c'est juste ça. Moi, c'est j'ai juste aimé pas pour, leur petite référence, là, tu sais, le gars, genre, ça, c'est un gars qui fait semblant de jouer à un jeu devant ouais. vous, ouais. mais en réalité, c'est scripté pendant un mois et demi à l'avance. ouais. Le gars, il servait d'abord à faire un petit clin d'œil, tu sais. Puis quand il arrive, tu sais, puis il dit, ça, c'est notre nouvelle console, « It's a Sega Dreamcast, shut up, Rick ». Tu sais, puis c'est vraiment, c'est, tu sais, juste ce genre de gag-là, je trouve ça... On dirait un palette non, cleanser. C'est sympathique. Ça fait changement. C'est lazy aussi, là. C'est facile. Oui, mais c'est parce ça, que c'est inutile, en fait, puis c'est juste, c'est là, tu le prends si tu veux, tu le prends pas si tu veux pas. En capitalisant dessus. C'est ça, exactement. C'est très hypocrite, un peu. C'est ouais. Mais c'est bon, mais, tu sais, il y a des limites. C'est un peu comme punk, mais qualité genre Pennywise, un peu, tu sais. C'est genre, ils font full l'argent, mais ils sont punk, tu sais. OK, ouais. Ils crient le titre de la toune dans le refrain en faisant 3-4 tours. Ah ouais. Je me suis retenu tantôt pour les jokes de Fallout Boy en parlant de Fallout, là. Mais cela dit, sur Devolver, il n'y a pas un produit de Devolver que j'aime pas. Ouais. Non, il est bon. J'aime leur initiative, j'aime tout. The Messenger...